20, 14, observation, dénégation. Vous vous moquez de moi? Qui, moi? Mais non, pas du tout. Moi, jamais. Jamais de la vie.